La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler de golf avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles! Bon matin! Gilles, on va évidemment, il y avait le tournoi junior hier au club, je pense que c'était quelque part au Saguenay. Et on a pas. C'était au lac Saint-Jean, OK. Et il y a un gars de Dolbeau, et on en a parlé dans la chronique du club de golf de Dolbeau qui a réussi un trou d'un coup. C'est exceptionnel. Mais à Saint-Prime, est-ce qu'il y en a qui ont bien performé? Ben, à Saint-Prime, on a toujours les quatre mains qui se démarquent. On a six participants qui font belle figure, mais on a deux garçons là, en particulier avec Antoine Bouchard et Robin Benoît. À chaque compétition, ils finissent toujours dans le top 3. Et du côté féminin, on a Amélie et Sarah Maud de Lefebvre, qui ont toujours d'excellents résultats, qui sont régulièrement sur le podium. Je vois. Donc, à chaque compétition, chaque cité, on les retrouve régulièrement. Je vois Amélie Boutin, 107. Hier, elle a joué 107 chez les filles, deuxième position. Et l'autre, je ne la vois pas par contre. Non. L'autre. Oui, OK, OK. À Dolbeau, ils sont 6. Comment vous êtes de junior à Saint-Prime? Nous, qui participons sur le circuit, il y en a 8. OK. Donc, au niveau de l'académie, j'ai des jeunes qui sont en formation cette année, c'est encore en record. On a 69 participants. 69 participants, c'est très bon, là. Ah non, c'est un court record au niveau régional. Et d'autant plus qu'on va avoir environ 40 participants de filles. Ah, OK, OK. Il y a beaucoup d'énergie, comme ils vont débarquer à une heure ou bon, deux fois par semaine. OK. Et on monte la technique, ils vont participer sur le terrain. Et je peux te dire, il y a plusieurs membres qui sont ici pour les voir débarquer des autobus. Là, c'est vraiment très beau à voir. C'est très beau. On sait que le golf, c'est l'avenir du club. Écoute, c'était quand même 69 personnes. Ça, t'es considères-tu comme membre du club? Parce qu'on a dit qu'on avait 110 membres au club. Est-ce que t'es rentre comme membre? Je ne les compte pas comme membres parce que nous, quand on compte les membres, c'est des membres qui sont payants. OK. Mais eux, automatiquement, quand ils s'inscrivent à l'académie, ils deviennent membres. Ah, OK. Donc, OK, OK, OK. Donc, ben, 69 jeunes, c'est quand même bon, là, parce qu'on en parle en masse. On en a parlé, il y a le deck hockey qui est rendu très fort dans le coin de Saint-Prime aussi. Donc, ça, là, 69 membres, c'est remarquable. Là. Oui, définitivement. OK. Donc, on va y aller maintenant avec les différentes promos à Saint-Prime. Oui, bien, comme aujourd'hui, c'est une promotion où est-ce que le prix va en décroissance. OK. Dès une heure, on baisse notre prix à 30$. Après ça, dès 2 heures, on le baisse à 25$. Et de 15 heures à la fermeture, c'est 20$ pour jouer un demi-trou. Et pour les gens qui sont habitués de fréquenter notre site Facebook, lundi ou vendredi, dès 13h, on a toujours une petite promotion pour meubler des heures qu'on veut, là, qui sont un peu moins achalandées. Hey, je regarde, parce que je suis sur les médias sociaux en même temps que je te parle, seulement 16 membres qui se sont inscrits pour le Mega Weekend Golf à Saint-Prime. 16 membres, ouais, c'est quoi, là? C'est-tu parce que... C'est un coup de réveil le matin que j'ai lancé, Dani. Ouais, OK, c'est bon. Dans le sens que nous, on met beaucoup d'énergie pour organiser cette grande fête du golf-là qui a lieu la semaine prochaine. Okay. Et on constatait On a des vieux réflexes à Saint-Prime, c'est de s'inscrire un peu à la dernière minute. Okay. Et si on veut s'assurer d'un succès garanti, c'est que les gens doivent participer en grand nombre. Ben oui, et je dois te dire que depuis que ça a été lancé, on va atteindre environ une trentaine de demandes qui vont jouer le tournoi. Et là, on est sur les téléphones, on reçoit beaucoup de téléphones. À ce moment-ci, à une semaine et un jour de l'événement, on a déjà 133 inscrits pour le Slomnium Saint-Prime. C'est-tu meilleur on que d'habitude? Le même nom. C'est-tu meilleur que d'habitude? On va atteindre, selon moi, le 176 là, qui était la cible et qu'on a atteint l'an dernier. Ah, OK, c'est bon. Puis en parlant du gros week-end golf, il y a un gros nom qui, semble-t-il, qui vient, là, qui vient, un gros nom du golf québécois. Oui, effectivement, on a M. André Raymond, qui est directeur général et copropriétaire du club de golf La Tempête. Oh, OK, c'est un gros nom, ça. Qui a entendu parler. Ah oui, c'est un gros nom, il a entendu parler de nous. Et on est en contact là, depuis, deux semaines. Et vendredi prochain, il va venir nous visiter. On va jouer une ronde de golf avec lui. Et au-delà de ça, il va participer, il va venir comme spectateur au niveau du concours de Long Drive. Et au concours de potting, ouais, qui va avoir un gagnant qui va s'envoler pour Las Vegas à la fin de la journée. OK. Dis-moi, sais-tu la tempête, c'était-tu René Angélil, t'es propriétaire de ce club-là, je pense, hein? Non, lui, c'est le Mirage. OK, c'était le Mirage. Mais ouais, on entend souvent parler de la tempête de ce club-là. Là. Oui, la tempête, c'est M. Jacques Tanguy, donc, okay. Le Matanguy, qui est là-dedans avec M. Raymond, il y a M. Fillon, l'animateur de radio. Ouais, okay, alors, okay. C'est un des clubs les plus prestigieux au Québec. Et on a certaines discussions qui vont résulter de tout ça que je vais pouvoir t'en parler. Ah, c'est bon. D'ici une couple de semaines, on risque d'avoir des surprises très favorables au niveau de Saint-Prime. OK. Vos verres, comment ils sont maintenant? Les verres, on a travaillé fort, on en a déjà parlé, on a acheté de la machinerie. Je pourrais te dire, à ce moment-ci, les verres sont quasi impeccables. Okay. Ils sont beaux, sont fournis. Disons qu'on a beaucoup travaillé. On est déjà en mesure de baisser au niveau de la tonte. Ça veut dire qu'ils vont être plus rapides. On a procédé la semaine dernière, on procède demain, puis une autre fois la semaine prochaine, pour en venir à une vitesse maximale. Et les verts, on part de loin et on est rendu très loin. OK. Hey, dis-moi, c'est pas du sport, mais ça a des retombées pour le club de golf. La fameuse événement là, que le maire de Saint-Prime organisait là, pour les mines, est-ce que ça a eu lieu, ça? Non, cette année, Regard vers le Nord a pris une pause. Ils font une autre activité. Sauf que j'ai, en discutant avec M. le maire, je l'ai vu encore hier en soirée, M. le maire est toujours un collaborateur exquis pour le club de golf. Et il est en train de nous brasser quelques petits événements là, qui pourraient être très favorables au club de golf. OK, OK. Ben, Gilles, ça fait pas mal le tour pour cette semaine à Saint-Prime. Oui. OK, on s'en reparle, mardi ou mercredi prochain. On va être en plein dans l'événement, puis on s'en reparle. Merci, Daniel. Bonne semaine. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Leroy.